Et toujours, toujours content. Toujours, toujours content. Ben, attends. Bouf. Ben, j'en sais rien du tout, Samson. Bah, ben, c'est une lecture du tutu. Je suis toujours content, foufou et marrant. La vie est une fête, profitons-en. J'ai un destin de roi, vrai toutou pacha. Souriez, la vie te le rendra. En chanson, quelques mots suffiront. Entonnons à l'unisson à fond les ballons. À fond les ballons. À fond les ballons. À fond les ballons. Ron ron ta gala pimpon. Et dis, qu'est-ce que c'est rose et saute de liane en liane. Oh là là là, attends, de liane en liane. Bah j'en sais rien du tout, Samson. Ah bon, c'est un chewing-gum collé sur le slip à Tarzan. On s'amuse, on s'irrite, on s'aime, on se quitte. La vie nous bouscule comme un grand vite. Rêveurs et rigolos, tristes et zigotos, gardons tous le moral au plus haut. Pour le dire en chanson, quelques mots suffiront. Entonnons à l'unisson, à fond les ballons. À fond les ballons. Oh les champions. À fond les ballons. Champignons. À fond les ballons. Croutons. Ron ron tagada pimpon. À fond les ballons. Sautissons. À fond les ballons. C'est qui est vert et qui fait du slalom. Ouf. Alors là, elle est vraiment très très très compliquée. J'en ai aucune idée, Samson. Oh bah c'est un ski, oui. À fond les ballons. Militons. À fond les ballons. Allons, montons. À fond les ballons. On tirons. Ron ron ta gala pimpon. À fond. Une pomme, bah c'est une pomme évidemment. Voilà.